remerciement les travaux que j'ai entrepris pour la rédaction de ce livre et de la conférence pour les étudiants de l'Université de Princeton, m'ont fait contracter une dette de reconnaissance envers plusieurs scientifiques. Le professeur Walter S. Adams, ex-directeur de l'Observatoire du Mont Wilson, m'a donné tous les renseignements sur l'atmosphère des planètes, domaine dans lequel il fait autorité. Lors de ma visite à l'Observatoire solaire de Pasadena, Californie, et tout au long de nos échanges épistolaires, il a fait preuve d'un réel esprit de coopération scientifique. Le regretté docteur Albert Einstein m'a consacré, pendant les derniers mois de sa vie, de novembre 1953 à avril 1955, beaucoup de son temps et de sa pensée. Il a pris connaissance de mes manuscrits, les a enrichis de commentaires ou de notes marginales, il m'a dit avoir particulièrement apprécié les chapitres 7 à 12 de ce livre. J'ai passé en sa compagnie de longues soirées pendant lesquelles nous avons débattu, souvent jusqu'à une heure avancée, le contenu et les conséquences de mes théories. Au cours des dernières semaines de son existence, ayant relu Monde en collision, et les trois fascicules de notes, le concernant ainsi que l'accueil qui lui fut réservé, il a consigné ses réflexions par écrit. Nous étions au début en désaccord, mais celui-ci diminua progressivement, comme le montre notre correspondance. Même si à sa mort, notre dernière entrevue eut lieu 9 jours avant, il subsistait des points sur lesquels nos avis différaient encore, sa nouvelle position indique l'évolution de son opinion pendant ces 18 derniers mois. Le professeur Waldo S. Glock, directeur du département de géologie à l'université McAllister, de Saint-Paul, Minnesota, autorité reconnue en matière de dendrochronologie, technique permettant d'évaluer l'âge des arbres, s'est livré à des recherches concernant l'adaptation de bois utilisé dans l'Antiquité, et a répondu lui aussi à mes questions. Le docteur H. Manley, de l'Imperial College of London, le professeur P. L. Mercanton, de l'Université de Lausanne, et le professeur E. Tellier de l'Observatoire géophysique de l'Université de Paris, m'ont fait bénéficier de leurs connaissances en géomagnétisme, et m'ont envoyé des exemplaires de leurs publications. Le docteur T. E. Niculin, géologue vénézuélien de Caracas, m'a signalé à plusieurs reprises différents textes parus dans la presse scientifique et susceptibles de m'être utiles, ainsi que l'ouvrage sur les découvertes de vestiges de l'âge de pierre et du bronze en Sibérie nord-orientale. Le professeur George M. Créadipris, géologue californien, a lu sous leur première forme plusieurs chapitres. Il y a entre 7 octogénaires auteurs de divers traités de géologie classique, et moi-même quelques sujets de friction, mais aussi des points sur lesquels nous nous accordons. Parmi ceux qui nous divisent voici le principal, le professeur Price s'oppose à toutes les thèses évolutionnistes, et son refus s'appuie sur le fait que, depuis que l'on accumule toutes sortes d'observations menées scientifiquement, personne n'a assisté à l'apparition d'aucune espèce animale nouvelle, alors que je présente dans les derniers chapitres de mon livre, Extinction et évolution, une solution radicale au problème. Je me suis longuement entretenu de questions relevant de la physique pure, et de la géophysique avec le professeur Richardson de l'Institut de technologie de l'Illinois. Je ne partage la responsabilité de mon œuvre avec personne, mais je veux exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont encouragé par leurs avis favorables, alors que l'atmosphère des milieux académiques était généralement empreinte d'animosité.